voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Bon, on surveillait Tim Tremblay qui était en fin de semaine à sa première course sur le circuit Isoc Racing au Minnesota. Et le coureur de Saint-Jean-d'Arc qui avait mentionné la semaine passée qu'il était plus ou moins content de sa préparation durant l'entre-saison puisqu'il y a eu des problèmes mécaniques. Ben, ça a paru en fin de semaine puisque sa première qualification, Tim Tremblay en catégorie Pro Stock, a terminé en 5e rang et en 3e position également. Succès sur toute la ligne pour le tournoi Atome Pee-Wee. En entrevue sur les ondes de danatosport.com hier, Joël Tremblay, qui est le relationniste du tournoi, a mentionné qu'il était très fier. 3000 personnes ont franchi les tourniquets des trois arénas, explique le relationniste du tournoi. Effectivement positif, je te dirais qu'on a vendu au-delà de 575 passeports. Oui, c'est fort ça. C'est très, très bon. On peut dire aux alentours de 1000 entrées. Puis en tout et partout, on comptait pour les trois arénas pas loin de 3000 visiteurs pour la durée du tournoi. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, 3000 visiteurs. Bonne nouvelle, Marc Denis sera intronisé au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior du Québec. Celui qui est analyste au match des Canadiens a porté les couleurs des Saguenayens de 1994 à 1987. Il avait été un choix de quatrième ronde des Saguenayens en 1994. Et je termine avec une compétition de tir à l'arc qui se déroulait en fin de semaine. Ça se déroulait du côté de Saint-Félicien. Donc, du côté de la catégorie Maître Arcapoli, notons que Diane Saint-Gelais de Saint-Félicien a terminé au troisième rang avec un pointage de 480. Gilles Saint-Gelais de Saint-Félicien, dans sa catégorie, a terminé au premier rang avec un pointage de 551. A noté également que Jimmy Dufour, dans les Maîtres Arc recourbés, a terminé en deuxième place, il est de Saint-Félicien. Benjamin Arcapoli, Mathis Dufour, de Saint-Félicien, a terminé en première position. Minim Arcapouli, notons que Jérémy Potvin de Saint-Félicien, première place, et également Minim Arc Recourbé, Samuel Potvin de Saint-Félicien, terminé au premier rang avec un pointage de 235. J'invite à écouter cette entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Pascal Masson, où on fait le retour de la Coupe Grey. Également, je me suis entretenu aussi avec Joël Tremblay pour faire le bilan du tournoi Atome Pee-Wee qui s'est terminé en fin de semaine dans le secteur de Mistassini. Le sport local et régional à danatosport.com.